Hi, UFO. Welcome to my garden of Eden tonight. When I look at you for the first time, I see the same thing that when I look at myself in the mirror. Yes, yes, yes, test, test, test. Ça va bien la gang d'Alien? Ouh. Yes. Oui. Ouais. Yeah. Bon, hey, François, il va falloir que tu te rapproches de ton micro. Oh. Ouais. We are, c'est correct? Ouais, là, c'est parfait comme ça. C'est. Bon. Oh boy, il y a de l'écho en... Je pense qu'on va réduire celle-là ici. Bon, OK. OK, les gars, comment vous allez? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Comme ça, gros show ce soir. Semble-t-il. Semble-t-il, oui. Comment ça, ça ben, on a... Ouais. Ça on attend une grosse soucoupe. Ah oui, fait que votre invasion planétaire commence ce soir, c'est ça? Ouais. Ouais. On va commencer par envahir Trois-Rivières. Deuxième retour, c'est, si je me trompe pas. La planète commence par Trois-Rivières. Juste ouais. Deuxième? Juste un deuxième? Non, ben deuxième gros retour, parce qu'on sait que depuis quoi, 3-4 ans, vous faites souvent des réapparitions là, l'été, là? Ouais, c'est ouais. Ça qui nous a donné le goût de rejouer. Bon, ça. Hey, là, ce soir, c'est justement, votre invasion commence à Saint-Louis-de-France. Pourquoi Saint-Louis-de-France? Saint-Louis-de-France. Il n'est pas là pour répondre, le gars. Ouais, il est pas là. Non, mais Saint-Louis-de-France, c'est un de nos premiers shows à Trois-Rivières qu'on a fait à Saint-Louis-de-France. OK. À la même place. La salle était comme ça avant. C'était... Je me rappelle plus, c'est ça l'affaire. Vu ouais, que non plus. Ça fait 20 ans de ça. Ouais, c'est ça. Ça fait 20 ans, fait que ça fait quand même assez, ça fait quand même loin. Ça, c'est... Mais ouais. Non. L'histoire qu'on a qu'on a retenue, c'est notre guitariste qui avait fait un flip en arrière de l'auto avant de faire le show. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis il s'en est sorti? Ben il est guitariste. Avec une blessure. Il s'en est sorti avec une blessure dans le haut du corps. Ouais. Mais Trois-Rivières, ça a toujours été une place mythique pour Aliens, fait que ça fait du bien de revenir aux sources. C'est bon. Ouais. Hey, j'aimerais savoir, à Drummondville, pour votre deuxième show, pour votre premier show que vous allez faire bientôt, là, c'est rendu sold out. Oui. Non, c'est plus que ça encore. Puis là, ouais, vous avez... C'est overload out. C'est overload même pour le deuxième show? Le deuxième show, bon. Il nous en reste encore un peu, ouais. OK, puis pour Trois-Rivières, est-ce qu'il vous reste des billets? Aux dernières nouvelles, il nous en reste encore. Mais ça part vite. Fait que ça veut dire qu'il faut que le monde se pointe vite ce soir. Ouais, là. Ouais. Et les portes, ça commence à... 7h. 7h? Ouais. OK. Et le show, lui? 8h. 8h pile ou... 8h02. 8h02? Ouais. Heure normale de Trois-Rivières. Donc... C'est l'heure de Trois-Rivières parce que c'est Louis-France. Ouais. Ouais, ça veut dire moins 3 minutes. Ouais. Arrivez pas en retard, en tout cas. Non. Ok, ben ouais, pis surtout pour ceux qui n'ont pas de billets. Surtout Charles, c'est sérieux, c'est pas là. Ouais. Votre retour, là, c'était un retour-ci, là. C'était un vrai retour. Ouais, c'était un vrai retour. Ouais. C'était un vrai retour. On a des shows la semaine prochaine. On a des shows à Sherbrooke au mois de juin. Ouais. On a God Redance qui s'en vient au mois d'octobre. Fait que non, ça regarde bien pour nous autres, là. C'est bon. Ouais. On a du fun ensemble. Ouais. On a du fun ensemble, là. Ouais. Bon, la chimie est revenue, là, fait que. On... Très bonne chimie dans avant ça, là, vous en aviez pas avant? Oui, oui. Ouais. Ben, oui, oui, on n'avait pas de blonde. Ouais, on a... ouais. C'est ça, c'est nos blondes qui nous rendent tranquilles, fait qu'on n'a pas le choix. Faut pas. Faut que les comptes se payent. OK. Vous êtes toujours les mêmes membres. Il y en a-tu? Il y a deux nouveaux. Jamais. Les deux nouveaux sont où, là? Les deux nouveaux. Lui. Attends. On va mettre plus de micro. On va le présenter, hein? Ouais. Si j'ouvre tout ça, ça devrait être. Présentons-le. Ouais. Présentez-vous. On va présenter ta voix. Bon. Alors, vous entendez la voix de? Présente-toi, t'es capable. La voix de Eric. Eric, tu fais quel instrument, là? Je joue de la guitare. La guitare, OK. T'as-tu trouvé ça difficile? Non, parce que j'avais déjà une bonne idée. J'avais déjà joué un peu avec Yann et Bake dans le passé. Fait que j'avais déjà une bonne idée de ce qu'ils faisaient comme matériel. Fait que ça a été assez facile de dire oui, d'aller jouer avec eux autres. J'aimais déjà à la base le Ben. Mais en fait, avant qu'on arrête, on s'est trouvé un nouveau guitariste. Puis c'était le guitariste qu'on avait trouvé. Okay. Avec Martin Bussière dans le temps. Là, c'était lui. Puis après ça, quand le Ben a arrêté, ben. Ben, c'est la première fois que vous avez arrêté, ou la. Je sais plus, là. Deuxième. La deuxième. Mais la dernière fois qu'on a arrêté avant de recommencer l'année passée, voilà deux ans, dans le fond. Okay. La dernière fois qu'on a arrêté, là, on pratiquait justement à Trois-Rivières. C'était notre guitariste qu'on avait trouvé avec Martin. OK. Bussière dans le temps. C'est bon. Puis, l'autre nouveau. Lui, c'est non, non, non, non, j'ai pas nom. Mystère à toutes les choses, on va avoir un différent. Moi, je suis le nouveau, je suis Charles Farley. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'autre nouveau? Il travaille. Non, mais comment est-ce que tu... Ah, il joue la guitare. Il joue la guitare. On l'avait mis à guimbarde, mais ça fait pas pantoute. Ouais. On voulait pas trop le stresser. Ça fait gros de la guitare, là. Ouais, on a deux guitaristes, deux chanteurs, un drummer et un bassiste. Toi, Nick. Je l'avais pas écrit, cette question-là, mais ça vient de me venir, justement, dans la tête. Pourquoi, à l'époque, vous avez commencé avec deux chanteurs? On s'en souvient. En fait, oui, c'est parce qu'on a été enregistré, puis c'était pas... Le premier chanteur, c'est Burt. Bertrand Bellil. C'est le premier chanteur. Ça, c'est le premier chanteur. De la première formation qu'il n'y avait pas... Ben, c'était pas les mêmes tunes, c'était pas tout à fait Alien. Moi, j'étais même pas là dans le groupe. Il y avait personne qui finalement qui était là. Puis... Maman, c'était le nom. Ben, il y avait Bussière qui était là. Il y avait Martin Bussière. Okay. Puis, moi, quand je suis arrivé, dans le fond, j'ai chanté un peu, j'ai pris la place à Burt. Puis, Burt, il est venu en studio pour faire certains bouts qu'il avait déjà écrits, puis tout ça. Puis là, ben, c'est à cause d'enregistrement. Lui, c'est parce qu'à ça. On n'avait jamais été de même. Ouais. Puis, OK, ça m'a arrivé. Ça s'appelait CAD. Ah! Puis, non, mais, ouais, puis ça m'a arrivé. Puis, c'est parce qu'après ça, lui est parti travailler en Ontario. OK. Donc, ça nous prenait quelqu'un pour chanter le bout de Bertrand Bellil. Puis Eddie, quand on pratiquait dans le temps avec Philippe Terrier, il avait pris le micro puis il avait chanté ce bout-là pour le fun. Puis là, ça a resté le même. Tout le monde a pensé que son premier album, c'est un Chinois qui chante, mais non. Non, c'est même pas, c'est un Chinois. C'est même pas un Chinois, mais oui, aujourd'hui. Ouais, non, c'est un franco-ontarien. Ouais. On peut changer, c'est le même album. On est vraiment multi-ethnique. Ah oui. Quelles étaient vos influences musicales de l'époque qui ont conduit justement et qui a fait que Alien Scab s'est créé finalement là? Qu'est-ce qui est. Je vais te dire là, on a chacun notre style de musique qu'on écoute. Il n'y a pas personne qui écoute la même musique vraiment. Mm-hmm. Ouais. Tanita Tikaram, je sais pas ce que c'est. Moi c'est Vanilla Ice, MC Hammer. Eux autres les gars. Annie Brocoli. Annie Brocoli. Ah, non mais c'est vrai, non c'est vrai. Parce que ça moi, c'est sûr, c'est le punk 90 en gros. Là, ouais, Pennywise, Bad Religion, NoFX, ça, c'est définitivement mes influences de drum. Sans équivoque, on en a parlé justement tantôt en descendant. C'est vraiment mon influence. Mais au niveau du son, de la guitare, les textes, c'est quoi qu'est-ce que vous avez influencé le plus? Parce que, veux pas, tu sais, Alien Scab, ça a fait un Ben qui est comme. C'est un groupe qui est mythique et qui a survécu. Là. C'est pas tous les groupes comme ça qu'on a eu dans le temps et qui ont existé dans les années 90 qui ont fait des cassettes. Ça s'est arrêté et ça a pas été plus loin. Hein. Mais je pense qu'Alien, ça a tout été surtout comment qu'on filait. Mm. T'sais, c'est accrocheur, c'est rythmé. Tu sais, François, pour sa part, lui, il a fait des chansons avec son enfant. Tu sais, nous autres, on écrit des chansons. On peut peut-être pas tout le temps. On peut peut-être pas en parler. La party partout. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est comment qu'on se sent. C'est ça, c'est Aliens Cab. Tu sais, c'est nous autres. C'est la chimie qui vaut bien gros, je pense, Aliens de party. Ben, party. Je sais pas comment. C'est la chimie qui a tout le temps été dégagée de ce band-là. On dirait qu'il a vraiment fait à lever. On est des personnes accrochantes, donc on va faire la musique accrocheur. C'est beau, gentil, charmant, pis tout. Les belles attachées. Ouais, ouais. Surtout d'Éric, là. C'est comme Éric, c'est pour ça qu'on l'a pris, dans le fond. C'est pas parce qu'il joue vraiment bien. Avant de passer en musique, ben, pour un premier bloc de musique avec portant sur vos chansons, là, j'aimerais savoir, depuis le temps, votre vision de la société, est-ce qu'elle a changé ou pas? Oui, beaucoup. Dans quel sens? Après moi, c'est juste familial. Je trouve que pour vrai, c'est le respect, surtout, entre nous autres, ça fait des années qu'on pour vrai, en moyenne, ça fait une trentaine d'années qu'on se connaît, là, 25 ans, 30 ans qu'on se tient ensemble. Je suis pas certain que les jeunes d'aujourd'hui vont avoir cette même façon là d'accrocher entre chums. C'est ça. Nous autres, on vient de cette génération-là, mais aujourd'hui, là, je pense pas. Ça va arriver, ouais. Mais je pense que ça va être moins fréquent. Ça va être moins fréquent. Ouais, c'est ça. Ça va être moins fréquent qu'il va y avoir des chummés, des gangs qui vont vivre ensemble de 25, 30, ouais, c'est ça. Mais là, t'es trop politicien, là, tu réponds pas à la question. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est en plein ça. C'est vrai, ça. C'est beau, c'est moi qui écoutais pas. François. Je pensais qu'on parlait de société, mais... Ben oui. Bon. OK, c'est beau. Ben oui, c'est en rapport avec la société. Puis avec une autre question que je vais poser dans un autre bloc, mais c'est bien ça. Sur ce, on va y aller avec Escape, la deuxième version. Et puis, Nothing Wrong. Bon, là, c'est le temps de s'échapper. Allez, attention, musique. On éteint tous les micros. Ah. The problem. tout cas, je lui ai dit relève-toi, puis oups. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as vu? Hey les gars, j'aimerais savoir là, est-ce qu'on peut vous appeler les Sex Pistols de la Mauricie? Parce que vous avez deux albums à votre actif en un peu plus de 20 ans, puis que vous pognez toujours autant. Oh, les tabarnak d'entrevue, moi, j'ai fait. Réponds pas à ça. Non. Qu'est-ce que tu veux répondre? Ah, écoute. C'est toi qui as la voix la plus suave. C'est moi, ça? Ok, moi, faut que je réponde à celle-là. Ben oui, réponds-y ouais. Donc. Écoute, aucune idée. Aucune idée. C'est une bonne question qu'on pourrait. Ouais. Qu'on pourrait se lancer là. Charles, il aurait pu répondre. Ouais. Écoute, on sait pas pourquoi. Mais première des choses. Le premier album a tellement bien marché, puis mm-hmm. il roule encore. C'est bon, hein? Puis, tu sais, il écoute pareil. Ouais. Mm-hmm. Puis, pour vrai, il y a encore beaucoup de personnes qui l'ont jamais écouté, ce premier album-là. Fait qu'on pourrait. Tu sais, on a fait un deuxième, mais pour vrai, on roule ses deux. C'est notre premier album qui nous a fait décoller, puis qui garde. C'est le premier album qui nous garde là. Pensez-vous que dans le temps, là, l'histoire mythique du fameux Beer Bong, là, que le monde pouvait boire, tu sais, mon trachant, ça vous a aidé un peu, ça? Ouais, aussi. Ben, je pense que. Ben, c'est plus à mode aujourd'hui. Non. Mais non, mais c'est parce qu'on arrivait souvent dans les shows, puis on était jeunes, un peu innocents, puis souvent, on volait presque le show, tu sais. On faisait le party à la table de merch avec les Beer Bong pendant que l'autre band jouait, parce que c'est vrai, ça arrivait souvent, puis Chris, tu sais, en vrai, c'était pas correct, ben. Non, on s'excuse pour les autres bands. On se faisait du fun, honnêtement. Ouais. Mais c'est vrai, on faisait des Beer Bong à table de merch pendant l'autre band du jouet. Ouais. L'autre band tripait pareil, mais tu sais, moi, là. Mais à ce temps, on n'est plus capable de faire ça. Non. Je pense que on les donne, les Beer Bong. Est-ce que vous avez des nouvelles compositions et un nouvel album qui s'en vient? François, c'est à ton tour. Ah ouais? Bon, on va essayer de faire ça cet hiver. On va essayer de pas se booker de show parce que ça prend du temps libre pour le faire. Puis on va faire ça cet hiver, puis on va essayer de sortir de quoi au printemps prochain. Ce serait vraiment le fun. Là, travers le projet à François, là. Ouais. On parle de Fidel Fiasco. Capable d'en faire deux. Ouais, je suis sûr qu'il est capable, François. Ben, il faut que ça paye. François, c'est un fidèle. J'aimerais bien s'en vivre. Non, mais faut dire, on a une couple de maquettes de montée. Mais là, avec les shows de Drummond. Ouais. Puis le show de Trois-Rivières, on a décidé de mettre ça de côté pour se concentrer là-dessus, pour donner un sale show à ce moment. Donner une goutte. C'est sûr. Pour remettre dans la tête au monde aussi que. On existe encore. C'est sûr qu'avec les deux nouveaux clavistes et tout, on n'avait pas le choix de mettre le nouveau matériel. Le show. Ouais. Pour que les autres soient à l'aise aussi. Okay. Ouais, c'est ça, pour qu'on ait une chance de se mettre à niveau puis essayer de parce que les quatre accords les mettre dans la même ordre là tout le temps, c'est pas évident. C'est ça. Puis les inverser là, tabarnak. Au niveau des paroles, toujours en anglais ou bien en français aussi pour les. Oui, mais corrigé là. On regarde pour l'espagnol. Non, parce que François, tu as vu que tu chantes en français pour Del Fiasco. Non, on reste en anglais quand même avec Aliens, mais c'est ça, comme je dis là. On va les vérifier de chanter sur mon album. Parce que si t'écoutes les paroles des fois dans le premier album, boy. Ouais, mais là, les paroles, ils changent plus. C'est le même que je chante, j'ai pas le choix. Les paroles, ils chantent, puis ça va bien. La tune est bonne. C'est ça. La tune est bonne, les paroles, c'est pas si pire. Au pire, allez, les Anglais, ils trouvent ça drôle peut-être depuis 20 ans. Bon, je suis sûr qu'ils comprennent, pareil. Oui. Mais ils trouvent ça drôle. On va demander à Goodwiddens après le show. Ouais, c'est ça, ils vont nous le dire. Ils vont faillir, ils vont faillir. Tantôt, vous nous avez parlé de qu'est-ce que vous pensiez de la société avant puis maintenant. Gouvernement, qu'est-ce que vous en parlez? Qu'est-ce que vous pensez du gouvernement québécois, du gouvernement canadien? Et de ce qui arrive avec les États-Unis et peut-être la possible élection de Trump. Trump. Je vais dire une affaire, je viens de faire une demande de subvention à Musique Action, fait que je dirais. Mais. Ok. On dirait. Mais non, mais. Ben, okay. On a chacun notre avis même assez différente là-dessus. Moi, ouais. Je trouve des fois qu'il y a des places qui pourraient couper à d'autres. Beaucoup de places plus qu'à ce qu'il coupe présentement, là, dont la santé et ces choses-là. Je pense qu'il coupe à des places que l'éducation, la santé, c'est important. Là. La culture aussi. C'est les enfants de demain, puis ils coupent là-dedans. Fait que dans le fond, ça s'en va où? Ça va s'en aller nulle part. Tu sais, changer de gouvernement avec un autre. Moi, c'est comme ça, je pense. Moi, je pense que je vais être content d'un gouvernement quand il va arriver et il va être capable de voir plus long qu'un mandat. Mm. Les premiers qui vont être arrivés vont être capables de voir dans 20 ans, ben je vais déjà être content que juste voir 4 ans, puis après ça, après 2 ans, on pense à notre prochaine réélection. C'est ça. On dirait qu'il se donne il voit juste à 4 ans, mais c'est une vie, là. Mais si on s'en va en politique étrangère, un gouvernement américain qui contrôle quand même une des plus grandes armées du monde, trouvez-vous que c'est important que ce soit quand même un gouvernement responsable et pas quelqu'un qui a l'air assez dangereux si c'est pas fasciste? Non, ouais, c'est ça, tu sais. On dirait que lui, son but, c'est d'aller tirer du gun, là. Ça aussi, c'est un autre côté qu'on devrait peut-être être revisé. On dirait que c'est un clown. Là. Ben, il est là pour faire de la marque. Trump, il passera pas. Je pense que pour que ça marche, ça prendrait un dictateur pour la terre. C'est pour faire élire Hillary que Trump y est. Ah, oh, ça se peut, ça. Mm. Ça se peut. Mais... Ça veut dire qu'il veut une pipe? Tu tombes de Clinton. Oh, Changeons un petit peu de sujet. Qu'est-ce que vous pensez de la scène punk de nos jours? Ça aussi, ça a changé. Ben, ça dépend. Moi, je trouve que ça revient quand même. Ouais, c'est vrai. Ça commence à avoir un engouement pour ça. Mais sauf que le punk s'est diversifié pas mal. Ouais. Il y a eu gros des nouvelles branches. Là, comme, j'ai entendu parler du pop punk. Ça fait un bout que ça existe. Ça a tout le temps existé. C'est rien qu'avant, l'appellation n'était pas tout à fait là. Ah, ben, c'est ça. Ça fait longtemps que ça existe, c'est juste que c'était moins clair. Ouais, même nous autres, là, c'est pas un groupe punk, punk rock. Punk c'est un mélange entre. Ouais, on est comme entre les deux. Ouais. Mais moi, je trouve que la vraie scène punk des années 90 a jamais parti. Non, ouais. Mm. Ça a jamais parti, ça. T'sais, tu vas dans les shows là, des vieux bands qui roulent encore, c'est plein tout le temps. Tout le temps. C'est les nouveaux qui ont de la misère parce que là, il y en a tellement. Puis je te dirais que les nouveaux qui sortent ressemblent beaucoup à des vieux bands, tu sais. Ils n'ont pas l'originalité. Ouais. Tu sais, tu me posais tantôt notre question, qu'est-ce qui fait Aliens Cab, c'est notre originalité. Ouais, parce que Aliens, ça reste du Aliens. On n'a jamais copié sur personne, on a tout été nous autres. Même le deuxième album qu'on l'a fait, on n'a pas copié sur personne, on l'a fait avec l'originalité de notre créneau à nous autres. Ouais, c'est ça qu'il faut aussi, quand même. Ouais, c'est ça, on copie pas sur personne. Tantôt, vous avez parlé un peu là, des jeunes là, de nos jours, là. Mais j'aimerais savoir, c'est sûr. Dans le fond, trouvez-vous que l'esprit de révolte que les ados avaient dans les années 90, on la retrouve pas chez les ados de nos jours? On pourrait dire qu'il y en a peut-être une au niveau, mettons, on pourrait dire sexuel, la façon qu'ils se comportent sexuellement, mais pour le reste, là, côté vestimentaire, côté politique, on dirait que ça s'affirme moins. Tu sais, comme des jeunes punks là, de 15-16 ans avec des mohawks, on n'en voit pas tant que ça de nos jours. Là. Ben non. C'est peut-être ils doivent une autre façon. Ils sont plus en ligne. Ils vont se rebeller d'une autre façon, d'après moi. Ils se rebellent d'une autre façon. De toute façon, le punk, c'est un minding. Je pense aujourd'hui, quand tu dis que t'es punk, t'as pas besoin d'avoir les docks 14 trous. Non, pas besoin d'avoir un mohawk dans la rue. Mais, dans vos shows, dans les shows punk, en général, avez-vous quand même constaté que il y a quand même plus de monde dans la vingtaine, trentaine, quarantaine? Ouais, mais il y en a beaucoup de notre génération. Pour aller voir souvent des shows punk, c'est souvent notre génération qui viennent avec leur kit, avant la musique punk venait avec le mohawk, les docks, la froc avec les studs. Aujourd'hui, la musique punk vient avec le style skater. Qui a quand même jamais disparu. Mais c'est ça. La scène n'a pas disparu, c'est juste le style, le côté vestimentaire qui a changé. Mais les jeunes d'aujourd'hui en musique, question de musique, sont vraiment durs à saisir. C'est fou là. On peut pas savoir, là, les jeunes secondaires qui sortent du secondaire, là, c'est quoi qu'ils écoutent? Ouais. La musique électronique. Je connais une couple de cet âge-là, des kids, tabarnak, je me disais, écoutes-tu vraiment ça? Ben, ça brasse pas beaucoup la musique. Ben, c'est plus le cellulaire qui écoute la musique. Ouais, ben c'est ça. S'il y a une tune que le monde y trippe, qui est conne, mettons, sur YouTube, ben ça va être une tune. Ouais, la musique avec des shots. Des bands qui trippent sur un band, là, tu sais, Autre chose aussi, j'aimerais savoir, Aliens Cab, en tout cas, il me semble que depuis les débuts, quand on était jeune, qu'on vous voyait, là, Vous avez quand même le deux chansons officielles contre le racisme. Et deux autres aussi, c'est des fois. En fait, d'autres pièces un peu qui portent contre la drogue. Pourquoi? La drogue? La vie de mauvaise drogue. Depuis quand? Non, mais. Ben, fight raciste, c'est pas bien dur, tu sais, quand tu es nouveau sur le stage. Ouais, c'est ça. On est multiculturel. On est le groupe multiethnique du Québec, je pense. C'est ça, puis. Manque un Indien. Manque un Indien, mais. Ouais. Il est parti à la chasse. Ouais, il travaille aujourd'hui. Non, ouais, c'est ça. Puis pour celle de la drogue, je pense que... Moi, Fight Them, j'ai écrit ça parce que j'ai rencontré une fille dans ce temps-là, puis t'es fucké, puis elle était pas mal down, puis j'ai écrit ça. Dans ce temps-là, c'était... Ben là, de toute façon, t'écoutes ce que ça dit, puis t'es pas trop sûr. Mais bon, c'était pour ça, en fait. Ouais, puis je peux même pas aujourd'hui te dire c'est quoi son nom, je me rappelle même plus. Mais puis aujourd'hui. Puis dans notre temps ouais, aussi, quand on jouait. C'était plus faire attention. Puis les gars, dans notre temps, quand on jouait aussi, il y avait beaucoup de mescaline. Ouais. Dans les shows, on en voyait tomber comme ça, tombait comme des mouches. Ouais. Ouais. Tu sais, là, c'était. Fight Them solide contre la mescaline. C'était le côté plate un peu, c'est des shows. T'sais. Ouais, c'est ça. Fight Them solide justement contre la mescaline. C'est bon. On en avait gros en plus. C'était bon show hier. Oh, je sais pas. Ouais, c'est ça, il y avait. Ah ouais. Le show. Je suis d'ambulance. Ah, d'ambulance. Ouais, il y avait méchant éclairage, j'avais les gars, sur le stage. C'était de lumière, mon gars. Avant là, de se laisser, j'aimerais qu'on rappelle au monde le show ce soir là, qui était à Saint-Louis de France. Là. Okay? Les portes ouvrent bien à 19h, c'est ça? Yes. Yes. Puis le show commence à 20h. Ouais. Yep. Puis les autres groupes qui vous accompagnent, ce sont lesquels? Too Fast For You, qui ça fait longtemps, maudit, je pense. Eastwood. Eastwood, puis Brent Puker. Brent Puker, qui ont fait beaucoup de shows avec nous autres. Ils font un retour aux autres. Ils font un retour aussi. Hey, j'ai même vu, c'est vrai, tu sais, des vieilles affiches tantôt sur Internet. Ben ouais. Et qui ont même joué à la même salle. Ouais. V'là 20 ans avec nous autres. Puis là, après ça, je me suis dit, mais oui, j'y avais été, me semble. À soir, on va lui laisser show. On va lui laisser le show. Ah, oh, vous l'offrez pas. On lui volera pas le show. Non, vous ferez pas de beer bunk ce soir. Non, on va attendre notre tour. À table de merch. Non, pas à table de merch. Hey, puis des demandes pour la semaine prochaine musicale. Oh, une demande. Ouais. Qui veut demander? As-tu une toune en tête? Une bonne toune de bad? Ah, bad, ouais. C'est bon, que pour la semaine prochaine, je vais avoir une bonne toune de Bad Religion pour vous autres, que je vais vous dédier. Sur ce. Encore Bad Religion. Sur ce, on y va en musique Fidel avec. Ben oui, Fidel Fiasco. Fidel Fiasco. On va mettre Fidel. Oui, voyons. On va changer Bad pour Fidel. Est-ce qu'il y a une nouvelle qui s'en vient? Hein? La prochaine fois que je viens en entrevue, je vais dire Fidel Fiasco. Ben oui. Ça va être bien plus simple, on aura plus mal de penser. Fidel Fiasco et Eliane en même temps. Ouais. Il est hybride. Ça s'enchaîne bien. Non, ça s'enchaîne bien parce qu'on dirait que c'est le même chanteur. Ouais. Avec, ouais, mais tu vois que les paroles, c'est plus. C'est plus français. Plus facile on comprend ce qu'il dit. Ouais. Fait qu'on y va avec Eliminate Racism, You're Equal et Fight Them. Oh, yes. Tout ça. Yes. Quoi, hey, j'espère que vous allez tous être là tantôt. On va être un grand nombre. Oui. Salut tout le monde. Salut, puis merci d'être venu. Bye. Bye. Bye. Merci. Ciao. Let's go. Call him punk, call him emo, call him gothic, call him yo. Just a matter what they like. Not a big difference in life. There's more, there is cheap, there's missing, there is free. What does all we I want to live. You can believe that I want to sit in the show on the wall.